bon, non, et on va voir qui on en est, darling. Et on en laisse comme là, les frittis. Holy black gold, et il y a au fil en neige, et Natal a dessiné, ma. Honey, bloody, ben, au rock, honey, bar, et Guillaume, Kevin, bar, et les frittis, honey, bloody, ben, anglais. Io non posso malare in Inghilterra. Era di Sheffield a volta. Vengo a fare in Ucraina. Solidari la di Londra. Che ribari la di Londra.